la vie avec son rouleau. Clair que nous voulions, les soirs de première et les tourbillons. Et on s'en fout si on a des soucis, puisqu'on est aussi ouvert la nuit. On se demande ce que l'on devient, ce qu'on va faire avec le jour qui vient. La mélancolie, la jolie jolie, et nous garde ainsi ouvert la nuit. On s'aime pas, mais on s'aime. Ça ira pas, mais ça ira quand même. Il y a un singe dans la lumière des phares, des lampions, des fanfares. Il y a dans la fête comme une voix secrète qui dit toujours d'être ouvert la nuit. On peut se sauver par la contre-allée ou faire l'amour dans l'armoire à balai. On peut dans la vie aller sans envie vers le jour qui suit ou vers la nuit. On s'aime pas, mais on s'aime. Ça ira pas, mais ça ira quand même. Vers la nuit. Vers la nuit. Il y aura les éclairs que nous voulions, les soirs de première et les tourbillons. Estem escoltant Olala Música, Rafael Corbí, i les cançons que ens arriben amb el programa del dia d'avui, unes peces que us hem comentat que pertanyien a aquest àlbum 50s de l'Alain Souchon, publicat el 2019. I si la és aquesta la cançó que tanca aquesta presentació de les 5 cançons que hem triat d'aquest àlbum per portar-vos. Després de l'Alain escoltarem 5 cançons diverses de la història de la música en francès a càrrec de diferents artistes, i tenim una darrera proposta amb la Carla per al programa del dia d'avui. Això sona d'aquesta manera. Petite Ralph Lauren en Austin longe la scène et nous font des signes. Là les capuches dandines en galerie marchande rêvant de grosses limousines allemande, même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là, tu sautes le pays. bourrée de gars, allez va au musée. En bas d'un tour y'a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là. Tu sautes le périph, oh, allez, I shot the sheriff, not Marley. Ce hasard, ces 40 mètres de goudron qui nous séparent. Tu sautes le périph, hop, allez, I shot the sheriff. Ici et là, ici et là. Sí, la l'ensuixong, Hola la Musical, el programa amb Rafael Corbí. Anem amb aquestes cinc cançons que us comentàvem, i és que es tracta d'un disc que ens aporta cançó francesa del 2019. Per tant, anem a escoltar cinc d'aquestes peces que us he triat. En Bem, aquesta formació que ens aportarà Loïca, el Super Chéri, amb Kyo, amb el Dernier Dance, amb Oshi, amb Ta Marinière i a Bon Entendeur, amb la companyia de l'Isabel Pierre, amb Le Temps et Bon. Per tant, anem a escoltar aquestes cançons. Super chérie.

tu as confiance en moi. Je voudrais pour toi. Aquesta és una jove vocalista. Ens encanta d'escoltar-la i tenir-la aquí entre nosaltres i avui dedicar-li uns minuts. Es diu Carla. Carla Lazzari. Va néixer el 19 d'agost del 2005. Quanta joventut. Ho va fer a Nice, una cantant francesa finalista de la cinquena temporada de The Voice Kids i que va representar França amb la cançó Bim Bam Toa, que es va convertir en prou famosa dins el concurs d'Eurovisió de la cançó Junior del 2019. Des d'aleshores també han llançat un altre senzill anomenat L'Otre Moa del 2020. Són bones les cançons que ens interpretava, a més, amb el grup Les Petits Canalles, que cantaven amb el Salut Le Copain el 2019. L'hem escoltat amb temes que van registrar ella, aquesta, així és com l'escoltem, el 2017, juvenil al màxim, però amb una veu, jo m'atreviria a qualificar de preciosa i molt madura. Meixeng era la cançó, Brise Meixeng, i n'escoltarem alguna més d'aquest àlbum. Com veieu, molt europop, molt disco, també amb el seu moment, amb aquestes cançons que avui ens ofereix. La Carla, apunteu-vos-la. Parfois je le sais, dans mon cœur tout se mélange, amour, amitié, passé, présent, c'est étrange. J'ignore quelle sera ma route et quels seront mes lendemains. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Je veux vivre ma vie dans mon monde, la musique et l'amour. Joue une symphonie. Je veux vivre ma vie dans... tout autour de moi. Tourne le temps et tout change. J'ai le cœur qui bat, mais je veux croire à la chance. J'ignore quelle sera ma route et quels seront mes lendemains. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Je veux vivre ma vie dans mon monde. La musique et l'amour jouent une symphonie qui m'emporte plus haut chaque jour. Je veux vivre ma vie dans mon monde. Les secrets du passé, je les donne à l'oubli. Aujourd'hui, tout va recommencer. Je veux vivre ma vie dans mon monde. La musique et l'amour jouent une symphonie qui m'emporte plus haut chaque jour. Je veux vivre ma vie dans mon monde. Les secrets du passé, je les donne à l'oubli. Aujourd'hui, tout va recommencer. Je suis sûre de pouvoir toucher le ciel et de défier la gravité. Rien ne peut arrêter un rêve qui devient réalité. Je sais que la peur n'existe pas, que c'est un faux sentiment. L'émotion que j'ai en moi a la force d'un ouragan. Chacun en son fort intérieur est magicien. Et je sais que tout peut arriver. Si je tombe, ce n'est rien. Je deviens, je vais et je viens. Pas de retour en arrière. Je suis prête à tout risquer. Alors mes pieds ne touchent plus terre. Je déploie mes ailes. Ne plus jamais douter. Voler au-delà des frontières. Et mon rêve. Plus que ce que je ressens, c'est comme un défi que l'on relève, comme une nuit et son réveil. Mon destin est tellement réel. Je sais que la peur n'existe pas et qu'il faut aller de l'avant. L'émotion que j'ai en moi a la force d'un ouragan. Chacun en son fort intérieur est magicien. Et je sais que tout peut arriver. Ce n'est rien, je deviens, je vais et je viens. Pas de retour en arrière. Je suis prête à tout risquer. Alors mes pieds ne touchent plus terre. Je déploie mes ailes. Ne plus jamais douter. Voler au-delà des frontières. Et mon rêve devient réel. Je déploie mes ailes. C'est réel, je déploie mes ailes. De retour en arrière, je suis prête à tout risquer. Alors mes pieds ne touchent plus terre. Je déploie mes ailes, ne plus jamais douter. Voler au-delà des frontières. Et mon rêve devient réel. Je déploie mes ailes. Je ne veux plus que l'on décide ma vie. Je veux me battre et atteindre mes rêves. Certains ne veulent pas me voir réussir. Je garde la foi, je leur prouverai. Penser à devenir plus grand, changer d'avis au dernier moment. Voulu mettre mon destin à genoux, provoquer la chance, non, malgré les circonstances. Ne pleure pas car j'en reviens. parler mon âme en paix. Plus qu'à me laisser porter sans résistance. À présent, je ne serai plus la même. Penser à en devenir fou. Vu tes pensées devenir floues. Rien ne sera comme avant si tu mènes à l'extase la passion à chaque instant. Ne pleure pas car j'en reviendrai indemne. Crois en moi et mes rêves si vraiment tu m'aimes. N'aie pas d'inquiétude car je sais ce que je fais. J'irai où seul mon cœur pourra me porter. Un peu plus loin de là où j'irai décrocher. Le meilleur de moi-même c'est ma destinée. Parfois si seul je me perds. À douter des fois c'est vrai. És el millor de dos mons. Així hem escoltat la música de la Carla Lazzari, aquesta joveníssima intèrpret que ens acompanyava avui a través del nostre espai recte final de Hola la Música per aquesta setmana, un parell de cançons. I ja que hem estat molt moderns, tant amb la música del 2019 com amb aquesta de la Carla, abans no tant, tot i que també és modernitat, amb Alain Souchon, doncs què tal si escoltem algun tema dels clàssics de la música en francès, com per exemple Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, que ens portaven una cançó fantàstica que es deia Vel. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, t'es un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier notre dame et celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi. Belle, malgré ces grands soumois qui nous en sortent, la demoiselle serait-elle encore plus celle quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier notre dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Així acabem el programa d'aquesta setmana i així us hem acompanyat